pas le pied sous main. Puis ouais, sachant qu'on a encore des choses à faire. Plus qu'aucun de nous n'est épargné, qu'on est amené à perdre nos races égarées, qu'on sait jamais. Prie pour moi. Tu fais tout pour vivre, vivre libre. Prie pour ça, pour où même on connaît où ça. Mais au lieu ton amoué, la main ou laisse le mal à tant à moins. Ou t'es verrons à moins, mais hier, yeah, ou paix déchire mon cœur. Prie pour moi, au lieu d'un amoué, la force ou à le pied sous moi. Sachant qu'on a encore des choses à faire. Plus qu'aucun de nous n'est épargné, qu'on est amené à perdre nos races égarées, qu'on sait jamais. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Tire-moi vers le haut. Donne-moi la force de m'élever, des fois je me perds. Mais ton regard est important, ouais, je connais mes défauts. Et peu importe ce que tu vois, je n'ai pas changé. Rattrape-moi, mets-moi dans le vrai. Tire-moi vers le haut. Donne-moi la force de m'élever, des fois je me perds. Mais ton regard est important, ouais, je connais mes défauts. Et peu importe ce que tu vois, je n'ai pas changé. Rattrape-moi, mets-moi dans le vrai. Prie pour moi, au lieu de nommer la force, ou à le pied sous moi. Prie pour moi, sachant qu'on a encore des choses à faire. Plus qu'aucun de nous n'est épargné, qu'on est amené à perdre nos races égarées, qu'on sait jamais. Prie pour moi. Prie pour moi. Et Kenyon sur Réunion Première. Prie pour moi, bon appétit si vous êtes à table, il est midi. Le journal vous est présenté par Gaël Le Dantec. Bonjour Gaël. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Toutes les communautés réunies pour lutter contre la pauvreté. C'était hier à Saint-Louis, en avant-première d'une journée mondiale du refus de la misère. La demande d'aide continue partout d'augmenter. L'hôpital va mal, budget effectif en baisse, non-remplacement des personnels absents, une partie des salariés du CHU de La Réunion en grève a de nouveau perturbé la circulation ce matin. Une délégation est reçue à la préfecture. Dernier jour pour payer votre taxe foncière si vous êtes propriétaire. Une intersyndicale en profite pour alerter sur le danger que court, selon elle, le service public. Journée de recueillement et d'hommage après le décès de Marie Cramp qui a péri dans l'accident du minibus du basket club dionysien samedi. L'enquête se poursuit sur les causes de l'accident. Des questions restent en suspens sur les ceintures de sécurité et le nombre de personnes à bord. Octobre rose se poursuit pour lutter contre le cancer du sein. Rediffusion à 12h15 du magazine C'est dans l'actu consacré à ce sujet. La misère ne recule pas, y compris dans un pays développé comme la France. À La Réunion, 140 000 enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté. La moitié des personnes âgées, dont certaines vivent avec des retraites très faibles, sont aussi en dessous de ce seuil. Le 17 octobre est traditionnellement la journée mondiale du refus de la misère. Le mouvement ATD Carmonde organise une commémoration aujourd'hui à Champfleury, à Saint-Denis. Dès hier, une centaine de personnes a défilé à Saint-Louis à l'appel de l'association Noulela. Le président de l'association voulait attirer l'attention sur les cas de misère à La Réunion. Il se félicite également d'avoir rassemblé toutes les communautés pour cette journée. Yves Moumadi. Ce que j'ai réussi à faire, c'est la communion entre les Réunionnais, les Mahorais, les Comoriens, les Métros et les Mauriciens. Tous sont ensemble. C'était mon rêve de réunir toutes ces communautés-là. Voilà. Mais je me sens très fier. Ça fait que commencer. C'est la journée mondiale, le refus de la misère, l'exclusion. Ce qui me fait peur en ces moments, c'est-à-dire 2014, j'ai distribué 9 tonnes 600. 2015, 29 tonnes. Et là, nous sommes le premier semestre 2016. On est déjà arrivé à 24 tonnes 300. Donc cette année, on va arriver à 50 tonnes. Et ça me fait peur. C'était Yves Moumadi, le président de l'association Noulela, interrogé par Sophie Persson. Les vacances scolaires se poursuivent encore cette semaine. Et pourtant, la route du littoral était bien embouteillée ce matin. En cause, le mouvement de grève démarré il y a une semaine et que poursuivent les personnels de l'hôpital de Belle-Pierre. Ils dénoncent un manque de moyens, un manque d'effectifs aussi. Ils se sont rendus en cortège jusqu'à la préfecture ce matin. Une délégation de l'intersyndicale Force Ouvrière CFTC UNSA a été reçue par le préfet. Les syndicats demandent la tenue d'une table ronde pour que la vérité soit faite sur la situation réelle du CHU. Ils demandent également la reprise du déficit de l'hôpital. Les syndicats estiment que le CHU a été mal accompagné financièrement par le ministère de la Santé depuis sa création. La conséquence pour David Belda, secrétaire général de Force Ouvrière, c'est que le personnel, depuis, est en souffrance. Aujourd'hui, nous avons un déficit de 20 millions d'euros qui pèse directement sur l'effectif avec le non-remplacement des départs en retraite, des arrêts maladie, un épuisement du personnel, des rappels sur des jours de repos et des jours de congé. Donc, si vous voulez bien, aujourd'hui, le personnel hospitalier est extrêmement épuisé et fatigué. Normalement, il devrait y avoir un plan d'intégration. Alors, le plan d'intégration, vous voulez bien, il faut bien le financer. Le premier plan d'intégration qu'il y a eu de 2011 à 2015 a coûté 8,5 millions d'euros avec des contractuels qui avaient 7 ou 8 ans d'ancienneté et qui n'avaient pas encore été intégrés. Donc, nous, on estime ce premier projet social, c'était un rattrapage à la création du CHU, qui était la condition sine qua non d'ailleurs. Et là, dans cette deuxième phase, deuxième projet social, aucun accompagnement supplémentaire n'est venu. Aujourd'hui, c'est l'effectif qui paie la note. C'est le personnel qui paie la note de sa propre intégration. David Belda, secrétaire général de Force Ouvrière, interrogé par Daniel Dambreville. Le mouvement de grève n'a pas de conséquences sur le fonctionnement des services du CHU, le personnel étant astreint à un service minimum. Si vous payez par Internet, il vous reste jusqu'à la fin de la semaine. Sinon, c'est aujourd'hui le dernier jour pour régler la taxe foncière de votre propriété. Il y avait donc du monde ce matin devant le Centre des Finances des Impôts à Chanfleury. Tellement de monde que le vigile a dû, en milieu de matinée, filtrer les entrées et empêcher les contribuables d'accéder au guichet. L'occasion, en tout cas pour l'intersyndicale de mener une action de communication en distribuant des tracts aux usagers, des tracts pour les sensibiliser sur la menace qui pèse sur le service public. Éric Métraux, le secrétaire départemental de Solidaires Finances Publiques. Aujourd'hui, on profite que c'est le dernier jour effectivement de paiement de la taxe foncière, un peu pour alerter les contribuables sur le fait que bientôt ils n'auront plus à se présenter devant un centre des finances publiques. Aujourd'hui, on pousse tout vers impots.gouv.fr. Et d'ailleurs, bientôt, l'accueil sur rendez-vous sera proposé sur trois sites à La Réunion. Donc vous allez avoir le SIE de Saint-Paul, le futur CIP de Saint-Louis et la trésorerie de Saint-André. Vous ne pourrez plus vous présenter directement à un centre, il faudra passer par un rendez-vous. Ça va être expérimenté sur trois sites. Et comme vous le voyez aujourd'hui, on a des difficultés du moins à recevoir les gens. Aujourd'hui, le centre est saturé, donc on ne peut plus recevoir tout le monde déjà pour ce matin, pour cette dernière journée de paiement de la taxe foncière. Ça veut dire quoi que le service public est clairement menacé? Il est menacé. Depuis 13 ans, nous avons perdu 37 000 emplois à la DGFiP, une quarantaine d'emplois perdus à La Réunion. Et aujourd'hui, en fait, on continue à aller vers ça. Donc, le public, on lui demande d'attendre derrière un écran, tout simplement. Éric Métraux, le secrétaire départemental de Solidaires Finances Publiques, interrogé par Nadine Bachelot. Midi 5 sur Réunion Première, la suite du journal, Gaël Le Dantec. À 14h cet après-midi, il y aura sans doute beaucoup de monde à Prima aux obsèques de Marie Crampe. La jeune basketteuse de 17 ans est décédée samedi sur la route des Tamarins après la sortie de route du fourgon qui l'emmenait, elle et ses coéquipières du basket club de Nizien, qui l'emmenaient au tampon pour disputer un match. Dans le cadre de leur enquête, les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul démarreront cette semaine les auditions des témoins. Ils chercheront notamment des réponses à ces questions principales qui se posent après le drame. Le véhicule était-il surchargé? Quelle est la cause de la perte de contrôle? Et la victime portait est-elle sa ceinture de sécurité? Antoine Garnier. Selon les premiers éléments recueillis par les gendarmes, 10 personnes avaient pris place dans le fourgon du basket club dionysien. Reste à savoir si le véhicule avait la capacité d'en accueillir autant et le cas échéant, si la conductrice disposait du permis D, car au-delà de 9 personnes, conducteurs compris, un simple permis de conduire ne suffit pas. Les premières auditions devraient avoir lieu dans le courant de la semaine. Quand ils auront pu entendre l'ensemble des témoins de l'accident, les gendarmes confronteront leur déposition avec les analyses techniques afin de déterminer les causes de la perte de contrôle. Il peut s'agir d'une erreur humaine, d'une vitesse excessive, d'un problème technique sur le fourgon ou encore d'une faute commise par un autre usager de la route qui aurait provoqué l'embardée à l'origine du tête-à-queue. Enfin, Marie Crampe étant la seule passagère à avoir été éjectée de l'habitacle, se pose la question du port de la ceinture. Si elle n'était pas attachée, c'est la responsabilité de la conductrice qui sera mise en cause, d'autant plus que la victime était mineure. Antoine Garnier, une cérémonie en hommage donc à la jeune fille est prévue cet après-midi à partir de 14h au centre funéraire de commune Prima à Saint-Denis. Sur la route toujours, nouveau week-end de contrôle, comme à chaque fois les gendarmes n'ont pas chômé, 157 infractions ont été relevées, dont 18 excès de vitesse, 10 personnes qui conduisaient avec de l'alcool dans le sang et 7 qui téléphonaient en même temps qu'elles conduisaient, 13 par ailleurs n'avaient pas leur ceinture de sécurité. Les dialysés de La Réunion ont été conviés à Maison Rouge à Saint-Louis cette année, comme tous les ans, pour partager un repas et assister à un concert d'Où ça nous ça va. L'ORAR, l'Association pour l'utilisation du rein artificiel à La Réunion, organise cette journée tous les ans. Les personnes dialysées doivent se rendre, on le sait, 3 fois par semaine dans un centre pour régénérer leur sang. Un traitement lourd, mais qui ne doit pas empêcher de vivre. C'est ce que pense Colette Folgoat. Elle fait partie d'une association qui s'occupe de dialyser, l'Association d'aide et de loisirs pour les insuffisants rénaux. Colette Folgoat, interrogée par Sophie Persson. On veut proposer déjà de se rencontrer parce que je trouve que les personnes dialysées, ils sont un peu trop, ils ont peur. Pour eux, comme ils sont dialysés, ils ne peuvent plus faire plein de choses. Et nous, on propose des sorties, on propose un petit voyage à Maurice, on propose des dîners dansants. Juste le fait de se rencontrer, d'être tout le monde ensemble et de faire connaître que ce n'est pas parce qu'on est dialysé que tout est fini. On peut faire plein de choses, on peut faire plein de choses, on peut danser, on peut sauter, on peut faire de la gym. Rien n'est interdit. Il faut juste qu'on sait régler nos médicaments, on sait gérer nos médicaments, on sait régler ce qu'on boit. Mais sinon, même dialysé, tout est permis. Colette Folgoat de l'Association d'aide et de loisirs pour les insuffisants rénaux. Dans le département, 1500 personnes sont dialysées. 2 fois plus d'insuffisants rénaux sont susceptibles d'avoir recours également à la dialyse dans l'avenir. C'est l'une des plus grosses manifestations de La Réunion. Florilège a encore attiré un public nombreux cette année. Selon la mairie, 300 000 visiteurs pour cette 33e édition. Aucun incident à déplorer cette année. La recette, toujours la même, des plantes, bien sûr, mais aussi de la fête foraine et des têtes d'affiche. Calogero et Rock Voisine pour cette édition 2016. Pour les horticulteurs de La Réunion, c'est également un moment fort. Bilan de cette édition avec un horticulteur du tampon, Joseph Avril. L'exposition en elle-même, c'était une bonne exposition. Oui. D'autant plus qu'on a eu des améliorations au niveau du parc, en termes de finition, je dirais, par rapport à l'année dernière. Et donc, pour le visiteur, c'était plus agréable. Et pour nous, c'était aussi un peu plus propre, on va dire, dans le sens où on n'avait pas cette terrasse qui dégoulinait comme c'était le cas l'année dernière. Après, au-delà de ça, en termes d'expo proprement dit, oui, il y a eu de la plante exposée. On a encore montré le savoir-faire des producteurs locaux en matière de plantes globalement. C'est vrai qu'on va toujours avoir une proportion d'orchidées qui sera bien élevée. Donc c'était une belle exposition. Joseph Avril, horticulteur du tampon, interrogé par Sophie Persson. En sport, 14e journée de la D1R hier, la Saint-Pierrois s'est imposée 1-0 face à Piton-Saint-Leu, une victoire qui permet aux Cigognes de garder la tête du championnat. Derrière, la Sainte-Marienne garde le rythme puisqu'elle bat la petite île 2-0, 0 partout entre l'Excelsior et le Saint-Denis FC. Et puis le SDFA s'est imposé 2-0 face au RC Saint-Benoît. Il y avait de l'enduro VTT hier au Maïdo, 2 courses, un enduro en 2 manches, 6 et 7 km pour les descendeurs. C'est Alexandre Sicard qui s'impose au programme également de l'enduro X-Country, 40 km de course, et là c'est Mathieu Desesprit qui s'impose. J-3, le départ de la Diagonale des Fous sera donné jeudi soir à Saint-Pierre à 22h au programme de cette 24e édition. 167 km, 9700 mètres de dénivelé positif. Cette année, le plateau va être de nouveau relevé. On devrait retrouver aux avant-postes le réunionnais Freddy Thévenin, Gediminas Gekrinius, numéro 1 au classement de l'Ultra Trail World Tour, et François Denne, vainqueur en 2013 et 2014, qui est arrivé à La Réunion hier. Chez les dames, on suivra avec attention Marcel Puy qui essaiera de décrocher sa 6e couronne. Il faudra qu'elle aille plus vite que la Suissesse Andrea Huser et que l'Espagnol et Marocca, plus rapide également que l'autre réunionnaise à suivre, Alexandra Klein. Car dans la famille Klein, on connaissait Miko, l'expert. Aujourd'hui, Alexandra, son épouse, s'est faite un prénom dans le monde du trail. Cette année, elle s'est préparée pour l'Ultra Trail World Tour, le challenge mondial des trailers, avec une dizaine de courses disputées par le monde et de beaux succès obtenus aux îles Canaries ou encore en Australie. Et pourquoi pas donc à La Réunion, à l'occasion de ce grand raid. Un rêve pour cette maraîchère de la Bretagne qui aimerait finir sa saison 2016 sur une bonne note, évidemment. Mais la concurrence va être rude. Déjà, il y a Andrea Huser, pour ne citer qu'elle en premier. Parce la Suissesse. La Suissesse qui est déjà très très bien classée au classement Ultra Trail World Tour, justement. Une victoire sur cette diagonale lui assurerait la première place. Donc je pense que, elle a les crocs, comme on dit. Au point de vue local, pour ne citer qu'elle aussi, la redoutable Marcel Puy, et qui est une amie avant tout. Et je serai contente, quel que soit le résultat, si ça doit être Marcel, si ça doit être moi. Enfin, moi, je rêve aussi. Donc, voilà. Et en tout cas, ça sera une belle compétition. Alexandra Klein, la Réunionnaise, donc actuellement classée 9e au Challenge mondial des trailers. Elle était l'invitée de la matinale interrogée par Loïs Mussard. On fait le point sur l'actualité en France et dans le monde avec nos confrères de France Info. Le groupe PSA veut encore tailler dans ses effectifs. Information que vous révèle France Info. Le constructeur automobile compte supprimer plus de 2000 postes dans ses usines en France via des départs volontaires et des pré-retraites. Pourtant, le groupe redresse la barre. Les ventes de Peugeot et de Citroën sont en hausse depuis le début de l'année. Sa visite pourrait bien être mouvementée. François Hollande revient à Florange, en Moselle, où les métallos l'attendent de pied ferme. Ils en veulent toujours au chef de l'État qui n'a pas pu empêcher la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal. François Hollande estime, lui, avoir tenu ses engagements en évitant les licenciements. L'ancien syndicaliste Édouard Martin confirme que les 600 salariés ont tous été replacés. La bataille de Mossoul est lancée. L'armée irakienne et les combattants kurdes encerclent la ville. Ils vont tenter de reprendre ce bastion du groupe État islamique. Ils sont pour ça épaulés par la coalition internationale dont fait partie la France. L'ONU s'inquiète de son côté pour les habitants et redoute un bain de sang. Pour désengorger les cabinets d'ophtalmo, plusieurs mesures entrent aujourd'hui en vigueur. Par exemple, désormais, si vous perdez ou si vous cassez vos lunettes, eh bien, vous pouvez aller directement chez l'opticien sans avoir à passer par l'ophtalmo pour obtenir une ordonnance. Et puis en football, Marseille se donne un peu d'air. Victoire 1-0 hier soir contre Metz en Ligue 1. Marseille qui change officiellement de propriétaire. Ça y est, la vente du club est signée aujourd'hui. Le nouveau boss, c'est Frank McCourt, un homme d'affaires américain. Il est 12h14, vous avez écouté Réunion Première, vous avez bien raison. Tout de suite, c'est la météo avec vous Ingrid. La météo avec Sirius Réunion, chauffe-eau solaire nouvelle génération. Et cet après-midi, Gaël, les nuages restent discrets sur l'ensemble de l'île et le beau temps se maintient au-dessus de 1500 mètres. C'est un grand ciel bleu que vous aurez. Le vent de nord-est reste faible, sauf à la Grande Chaloupe et au Cap Laoussé. Et à la plaine des Cafres, les rafales pourront atteindre les 40 km/h. La mer, quant à elle, est peu agitée à agiter. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles. Plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Première. Première. Vous écoutez Réunion Première, il est midi et 16 minutes, Gaël. Oui, aujourd'hui, vous savez, octobre se poursuit. Octobre qui rime avec octobre rose, c'est la lutte contre le cancer du sein pendant tout ce mois. Gros plan aujourd'hui sur les soins qui préservent l'estime de soi, notamment une technique de chirurgie mammaire, une technique nouvelle à La Réunion qui évite le recours à la prothèse. C'était le sujet de C'est dans l'actu que je propose de réécouter aujourd'hui, un C'est dans l'actu qui date du 28 septembre dernier avec Philippe Dornier, ses invités. Cette année, octobre rose pour sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage. Dépister la maladie le plus tôt possible, c'est la soigner plus vite, avec des traitements souvent éprouvants, voire épuisants, et des conséquences physiques importantes pour les patientes, notamment l'ablation du sein. Alors heureusement, il y a plusieurs solutions pour atténuer les effets du cancer, pour que celles qui en sont atteintes supportent l'image que leur renvoie le miroir. Quels sont les accompagnements proposés aux femmes concernées ? À partir de quand avoir recours à la chirurgie reconstructive ? En quoi consistent les soins socio-esthétiques ? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Trois invités sont avec nous ce midi. Corinne Sanassi, qui se bat contre le cancer du sein depuis décembre dernier. Bonjour. Bonjour. Et bonjour, merci d'avoir le courage de témoigner. Le docteur Jonathan Frey, chirurgien. Bonjour. Bonjour. Vous pratiquez des opérations en utilisant la peau du ventre. Ça s'appelle la reconstruction mammaire par lambeau de Dieppe. Vous nous expliquerez en quoi ça consiste. Et puis Guillaume Kishnama, socio-esthéticien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi président de l'association Un Autre Regard, puisque ça compte aussi, évidemment. Décembre 2015, il y a 9 mois, Corinne Sanassi, vous apprenez que vous êtes malade, cancer du sein donc. Et depuis, vous avez eu plusieurs séances de chimiothérapie, mais pas d'ablation. Physiquement, quelles sont les conséquences visibles pour vous? Visible. Bonne question. Au fait, diminuer. Diminuer? Oui, diminuer par la façon de me mouvoir, de bouger ma main, tout ça. Et ensuite, plus de cheveux, mais... Ce qui ne se voit pas aujourd'hui, je le dis. Oui, voilà, ça commence à repousser tout doucement. Mais au-delà de l'apparence, la maladie, surtout la maladie en elle-même. D'accord, c'est la maladie, c'est quoi? C'est le fait d'apprendre qu'on a ce cancer du sein? Tout à fait, et ensuite de se renseigner pour savoir comment se soigner dans un premier temps. Même si vous l'avez détecté sans doute plus vite que certaines ne l'auraient fait à votre place, je précise, vous avez 43 ans, c'est ça? Tout à fait. Et vous venez d'avoir 43 ans, et normalement, les mammographies, c'est à partir de 50 ans. Et vous avez détecté votre cancer un peu par vous-même? Tout à fait, parce que de plus en plus, il y a des femmes qui sont atteintes du cancer, et elles parlent, et c'est une amie qui m'en a parlé, et du coup, j'étais sensibilisée et touchée par ce qu'elle a eu, et je me suis moi-même palpée. Et quand je me suis palpée, je me suis rendu compte que j'avais une épaisseur, une grosseur. J'ai été voir mon gynécologue qui m'a très bien orientée. Donc, c'est comme ça que j'ai su que j'étais atteinte de cette maladie. Alors, dans ce cas précis, docteur Fresque, votre technique de chirurgie dont on va parler, est-ce qu'elle peut être utile? Alors, c'est un peu moins indiqué dans ce cas-là, puisqu'il s'agit d'une tumorectomie, si j'ai bien compris, où il n'y a pas l'intégralité du sein qui a été enlevée, donc ça n'est pas une mastectomie. Ça peut nécessiter des techniques de reconstruction mammaire malgré tout. Disons que celle dont on parle aujourd'hui, le Dieppe, est plutôt à destinée de patientes qui ont eu une mastectomie, donc une ablation totale du sein, puisqu'elle permet d'apporter une grande quantité de tissu. Voilà. Alors, en quoi consiste justement ce fameux Dieppe? Ça vient d'un acronyme anglais. Hein. Oui, voilà. Alors, bon, pour la définition, c'est Deep Inferior Epigastric Perforator Flap. C'est très compliqué, mais bon, c'est pour dire que c'est un lambeau pris au niveau de la peau du ventre, comme on peut le réaliser au cours d'une abdominoplastie. La différence, c'est qu'au lieu de se débarrasser de la peau de ce ventre avec la graisse, eh bien, on la garde en disséquant les petits vaisseaux qui font vivre cette peau, et on vient la mettre en place au niveau du sein qui a eu la mastectomie. Et il faut refaire des petits branches sous microscope, c'est ce qu'on appelle de la microchirurgie, pour refaire vivre ce morceau de peau en fait, et de graisse, et donc reconstruire le sein. C'est de la chirurgie reconstructive, c'est comme ça que vous l'appelez. C'est quoi la différence avec la chirurgie esthétique? Alors, la différence avec la chirurgie esthétique, c'est que c'est une chirurgie qui est prise en charge quand c'est de la reconstruction. La chirurgie esthétique n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, et donc c'est une chirurgie qui est payante. Maintenant, voilà, au travers du mot esthétique, il y a quand même voilà le côté essayer de faire en sorte que ce soit joli et que ce soit satisfaisant en termes de résultats. Et donc, bien sûr, même si c'est de la reconstructrice, il y a un côté esthétique qui est important et qui est à prendre en compte dans cette technique. Donc, vous vous retrouvez sur ce terrain-là de l'esthétique, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. C'est, on le rejoint à cet endroit-là. Et Guillaume Kishnama, ça c'est votre souci de tous les jours, l'esthétique, évidemment, pour les patientes que vous rencontrez. C'est aussi remboursé par la sécurité sociale, puisqu'on parle de prise en charge. Bonne question. Donc oui, la socio-esthétique par rapport à l'esthétique traditionnelle qu'on trouve en ville, la socio-esthétique est prise en charge par les établissements. C'est-à-dire, c'est pas une prise en charge sécurité sociale, mais une prise en charge par les établissements, et dont j'en félicite, et puis encore merci donc pour les hôpitaux et cliniques qui pratiquent. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes 3 socio-esthéticiennes en service d'oncologie à l'île de la Réunion. 3 socio-esthéticiens et esthéticiennes, oui. Vous êtes assez nombreux pour faire face à la demande? Malheureusement, non. Mais vous savez, j'ai eu de la chance, donc, en tant que réunionnais, donc, revenir dans mon île natale au bout de 30 ans, avec ce concept, donc, la socio-esthétique. Et via l'ARS de la Réunion, donc, une mutation a été mise en place, donc, pour, justement, faire partie et ramener aussi ce métier émergent dans l'équipe pluridisciplinaire, dans les soins de support, avec les médecins et les soignants au CHU et Clinique Sainte-Clotilde. Deux ans après, il y a un deuxième poste créé au CHU de Saint-Pierre. Et tout récemment, donc l'année dernière, un troisième poste à la Clinique des Orchidées. Et c'est pas fini. Qu'est-ce que vous proposez aux patientes? Alors, qu'est-ce qu'on propose? Ça, c'est important. Je veux dire, c'est pas imposé, c'est proposé. C'est proposé par, tout d'abord, quand la personne voit le médecin, hein, celui, le chef de file, dans l'annonce du diagnostic pour le cancer. Et le médecin va l'accompagner, va le diriger vers les soins de support. C'est ce que la socio-esthétique, donc, ça fait partie des soins de support. Et en lui annonçant les effets secondaires, donc, le médecin va l'informer les acteurs de soins autour de la maladie, c'est-à-dire nous en socio-esthétique, on s'occupe pas du cancer, on n'est pas compétent, hein, on est une équipe pluridisciplinaire. Vous parlez de on va accompagner la personne atteinte de cancer, donc comme la psychologue, elle a aussi son domaine, l'assistante sociale et la diététicienne. Donc le socio-esthéticien fait partie des soins de support pour accompagner sur les effets secondaires, chimiothérapie, radiothérapie et quelquefois aussi chirurgie. Alors toujours en socio-esthétique. Accompagner les effets secondaires et les contrer, c'est un petit peu ça l'idée. Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce niveau-là, Corinne Sanassi, quand vous avez appris votre cancer? Il y a déjà la maladie, comme vous le disiez, mais aussi ses conséquences. On vous a clairement annoncé ce qui allait vous arriver et ce qui vous est arrivé était conforme à ce qu'on vous avait dit? Tout à fait. Au fait, il y a un tout, je pense, et on m'a très bien expliqué et informé. Je peux pas dire le contraire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les effets secondaires étaient très forts. Et je me suis retournée vers Guillaume, le socio-esthéticien, pour me donner des conseils. Et j'avais commencé déjà par rapport aux cheveux, mais quand j'ai eu d'autres effets secondaires, j'avais un effet secondaire qui s'appelle main, pied, bouche. Et c'est la peau qui s'enlève et la main qui devient très sensible. Et j'arrivais même plus à marcher. Des fois, je marchais sur le côté des pieds. Ah oui, la peau du pied qui se détache, se desquame. Voilà, et donc j'étais voir Guillaume et il m'a bien renseigné, donné des crèmes, et puis dans son regard, dans la façon de parler, dans la façon d'être accueilli, tout ça a fait la différence. Ça a beaucoup aidé. Et le corps médical en lui-même a une bonne approche. Est-ce que ces désagréments dont vous nous parlez, ces conséquences, c'est ce qu'on vous avait dit dès le départ ou il y a eu des choses en plus qui sont apparues? J'ai eu un papier et c'était expliqué clairement et j'ai pas eu vraiment de surprise. Je veux dire, je découvrais au fur et à mesure ce qui m'arrivait. Je veux dire, entre le lire et le vivre, il y a un monde de différence, mais après, à tout ce qui m'est arrivé, j'ai trouvé une solution pour avancer et pour aller de l'avant. Et je pense que tomber sur des gens qui ont du savoir-faire, c'est important, surtout dans ces moments-là. Et surtout, j'ai aussi vu et je vois toujours la psychologue. Et donc, tout ça aide à pouvoir supporter. Je dirais pas supporter, mais avancer dans la maladie. Le côté soutien psychologique, c'est nécessaire aussi quand on vient vers le CHU pour bénéficier de cette nouvelle technique qui est en place précise depuis le mois d'août. Il y a eu seulement deux opérations à ce jour de réaliser par Lambeau de Dieppe. C'est ça. Et donc le rythme prévu, c'est une par mois. Est-ce que ça nécessite d'être accompagné psychologiquement? Alors, c'est recommandé, je pense, parce qu'effectivement, c'est toujours des très mauvaises nouvelles quand on apprend qu'on est atteint d'un cancer du sein. Je pense que c'est essentiel d'avoir une prise en charge globale. C'est pas que les médecins, c'est effectivement le gynécologue, le chirurgien, et puis tout ce qui est autour, c'est le soutien psychologique, je pense, qui est essentiel. C'est l'appel à socio-esthéticiens, socio-esthéticiennes pour tous les effets désagréables, voilà. Et je pense que c'est vraiment une prise en charge globale, et je pense que le soutien psychologique n'est pas obligatoire, mais je pense qu'il est souhaitable, et en tout cas, il faut informer les patientes que c'est possible d'avoir ce soutien psychologique pour aider à voilà, accepter, enfin, bon, en tout cas, à avancer dans la maladie, comme disait madame. Alors, vous parliez de contre-indications, docteur Frey, est-ce qu'il y en a pour votre technique qui est innovante, oui. mais oui, il y a oui. toujours des limites? Il y a bien sûr des contre-indications qu'il faut essayer de respecter. Alors principalement, on va dire, c'est l'obésité. Ça rajoute des risques à cette technique qui vous est dire déjà quand même. C'est la contre-indication si la personne est obèse. Si la personne est obèse, effectivement, on essaie d'éviter de faire cette technique-là et on propose plutôt une autre technique de reconstruction mammaire pour éviter des risques d'échec de la technique ou de complications graves, hein, type phlébite ou embolie pulmonaire. Effectivement, ça c'est plutôt déconseillé. L'autre contre-indication, c'est le tabagisme. Ça rajoute également des risques d'échec de la technique, donc on peut demander aux patients d'arrêter de fumer, hein, tout simplement. Mais en tout si cas, est fumeur, il y a un passif quand même. Il y a un passif. Alors on dit en général, voilà, arrêter de fumer au minimum, grand minimum, un mois avant et au moins un mois après l'intervention. Enfin, dernière contre-indication, c'est des antécédents de cicatrices au niveau du ventre qui pourraient faire échouer également cette technique. Voilà. Même question, Guillaume Kishnama, est-ce que ça convient à toutes les patientes, forcément, la socio-esthétique? Ça, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est proposé par l'équipe médicale et l'équipe infirmière. 98% des personnes, elles acceptent. C'est-à-dire, le socio-esthéticien, il est là aussi comme un médiateur corporel. Je veux dire, il va conseiller sur comment prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, donc ce qui est l'enveloppe corporelle. Et aussi de regagner aussi l'estime de soi, mais le socio-esthéticien est là aussi pour apporter des soins de confort par le biais des modelages, détente, de relaxation détente. Et quand vous avez une personne qui est malade, qui est vulnérable, qui n'a pas le moral, qui se retrouve dans une cabine avec une musique, avec une personne qui n'est pas médicale, elle peut livrer aussi des informations. Et le socio-esthéticien est là aussi pour être le médiateur, c'est-à-dire qu'il ne va pas garder pour lui, il peut se diriger vers le chirurgien, le médecin, vers l'infirmière ou l'aide-soignante et la psychologue. Et ça, c'est un excellent aussi, un moment d'évasion aussi, pour que la personne aussi, des fois, livre des informations qui peuvent être importantes aussi, hein, sur sa maladie. Et donc, ce soutien est là aussi pour faire de la médiation. Et ça, c'est important, c'est ça, le travail d'équipe. Ça vous est arrivé, vous hochez la tête positivement, j'allais dire, Madame Sanassi, ça vous a permis de vous livrer un petit peu, de donner des informations? Tout à fait. J'étais en ablasie et j'étais hospitalisée pendant 10 jours. Alors, ablasie, c'est-à-dire, pour les gens qui ne connaissent pas. C'est-à-dire ablasie, oui. Ouais. Aplasie. Au fait, j'avais plus d'immunité. D'accord. Donc, j'étais dans ma chambre et j'avais pas le droit de sortir. Et quand j'ai pu sortir, ben, je me suis dit, je vais aller en oncologie et je vais voir si je trouve le socio-esthéticien. Parce que, au-delà, on me soigne, c'est sûr. Mais c'est vrai aussi que j'ai besoin de on va dire ça entre guillemets, de soins de confort. Et donc, j'étais le voir et j'avais très mal aux pieds. Et donc, déjà content de voir quelqu'un qui n'était pas, comme il disait, de médical, puisque j'étais hospitalisée, donc tout mon environnement, voilà. Et j'étais bien contente de les avoir. Hein. J'étais le voir et il m'a conseillé des crèmes. Il a pris le temps de voir mes ongles, parce que les ongles se casse, ça se soulève et les extrémités font très mal. Donc, des conseils et tout ça. C'est important, évidemment, d'avoir cet accompagnement, d'autant qu'il y a un sondage qui a été fait très récemment qui nous dit que 2 femmes sur 3 ont peur de perdre leur féminité. Est-ce que, avec votre technique, docteur Frey, est-ce que vous leur garantissez que cette féminité va revenir? Alors, on ne garantit jamais à 100% les choses, hein, en chirurgie. Mais maintenant, effectivement, l'objectif, c'est d'essayer de faire retrouver une part de la féminité perdue aux patientes qui ont eu une tumorectomie ou en tout cas une mastectomie. Je pense que c'est l'objectif. Avec quelle que soit la technique de reconstruction mammaire, c'est très difficile, voire impossible, de reconstruire un sein à l'identique, hein. On prévient les patientes en général à l'avance. Par contre, voilà, on amène, grâce à ces techniques, un volume, une silhouette est retrouvée, le décolleté est restitué, et c'est ça, je pense, qui est important. Reconstruire un sein à l'identique, c'est très compliqué, ça n'aura pas la même couleur, pas la même forme, pas la même consistance exactement. Mais par contre, voilà, l'idée, c'est de refaire... de redonner une part de féminité aux patientes qui bénéficient de ces techniques de reconstruction mammaire. Je pense que c'est vraiment l'essentiel. Ouais. Et comment vous identifiez les patientes qui peuvent bénéficier de cette technique et les autres? Alors bon, déjà on s'appuie sur les contre-indications. Ça, on va dire, c'est essentiel de respecter ça puisque c'est des sociétés savantes de chirurgie qui les ont émises. Donc il faut s'y attacher. Après, bien sûr, c'est une discussion qu'on a avec la patiente. La reconstruction mammaire n'est pas du tout obligatoire. Par contre, je pense que c'est vraiment essentiel que les patientes soient informées que c'est possible. Et si elles sont demandeuses, après, eh bien, on choisit parmi les différentes techniques qui existent, qui peuvent être donc soit par des techniques d'implant mammaire, soit par des techniques qu'on appelle des lambeaux, c'est-à-dire des morceaux de peau qu'on prend, soit à proximité, soit à distance, comme le Dieppe. D'accord. Côté soins sociaux esthétiques, Guillaume Kishnama, quel regard déjà vous portez sur cette avancée, on va dire chirurgicale, proposée par le CHU depuis le mois d'août? Est-ce que vous avez eu des contacts avec le CHU, par exemple? Oui, effectivement, le CHU puis la clinique Sainte-Clotilde aussi, hein, pour le Nord. Donc le docteur Frey parlait tout à l'heure de techniques, et c'est vrai. Et quand il n'y a pas possibilité, donc il y a des solutions alternatives. Donc là, c'est proposé par le socio-esthéticien. C'est-à-dire, nous, on va rhabiller ce corps à l'extérieur par des prothèses mammaires externes, bien sûr, hein, mobiles ou de contact. D'accord. Est-ce qu'il y a des risques par rapport à ces techniques? C'est pas une technique, c'est une solution. Une solution. Donc, je vois la différence. La solution, non. C'est-à-dire, il y a comment prendre soin de sa prothèse mammaire, les gestes à ne pas faire, à faire, et surtout, après, avoir aussi les soutiens-gorge adaptés. Hein, et puis notre rôle, c'est aussi d'informer et aussi de les accompagner vers l'extérieur, parce que l'hôpital va informer, mais ne vend pas les produits, d'accord? Donc on va les diriger vers les pharmacies, vers les centres spécialisés pour rencontrer ces professionnels avec ces solutions alternatives. Docteur Frey, pour que les gens comprennent bien, en fait, là, Guillaume Kishnama parle d'une prothèse externe. C'est différent d'une prothèse qu'on met à l'intérieur du corps. Oui. Là, c'est ce qu'on glisse en fait dans le soutien-gorge pour retrouver la silhouette, mais ça ne fait pas partie du corps et ça ne fait pas partie intégrante de la patiente. Oui, c'est ça la différence. Voilà, et certaines femmes tiennent à ce que ce soit pas comme ça, mais bien que sûr. Ce soit une reconstruction physique. Voilà, physique de leur propre corps, qu'elle n'ait pas ce besoin de mettre ou d'enlever cette prothèse externe, qui, je pense, joue un rôle très important au début, mais qui peut à un moment donné lasser, devenir pénible et voilà, amener une patiente à avoir recours à la reconstruction mammaire, ouais. Je pense. Moi, je peux dire aussi, ça peut être aussi l'intermédiaire, non? Après oui, l'intervention, d'accord, bien sûr, c'est ça. Tout à fait, l'intermédiaire avant la reconstruction. Mmh. Non, c'est-à-dire pour les personnes qui... Je vous laisse... Alors, je pense que beaucoup de patients peuvent avoir besoin de temps de réflexion pour se décider sur une technique ou une autre, ou pour franchir le pas de cette reconstruction, qui n'est pas indispensable. Hein, ça n'est pas indispensable, c'est très important. Et donc, je pense que cette prothèse externe, c'est une transition, je pense. C'est un atout qu'il faut aussi retenir dans la prise en charge de la patiente. Ça, c'est sûr. Il y a un autre sondage positif qui est sorti ces derniers jours. 84% des Français considèrent que les chances de guérison pour les malades du cancer du sein se sont améliorées. Est-ce que ça, c'est une réalité, docteur Frey? Moi, j'ai lu récemment un chiffre que 90% des cancers du sein pris en charge suffisamment tôt peuvent être guéris ou en tout cas être considérés comme étant en rémission. Donc, je pense qu'on n'est pas loin du chiffre annoncé. Après, bon, je suis pas gynécologue et je me permettrai pas d'avancer des chiffres que je ne maîtrise pas. Je pense que ça colle à peu près aux données des études cliniques, oui, je pense. Combien de temps vous consacrez à ces soins socio-esthétiques, Corinne Sanassi, par semaine? Au fait, au début, par rapport à tout ce qui m'est arrivé, ce n'était pas ma priorité. Et dans un second temps, quand je devais sortir, j'ai pris le temps de faire les choses. Et même, j'ai une fille de 14 ans, et donc ça m'a beaucoup aidée. C'est elle qui me maquillait, qui me disait « Maman, la chimio, c'est fini, hop, hop, hop. » Elle a dit « Si tu veux aller chercher quelque chose, tu peux le faire toi-même. » Je dis oui. Parce que vous n'osiez pas sortir, effectivement? À un moment donné, non. Je ne devais pas être au soleil. Donc, je sortais tôt le matin et puis je sortais tard le soir, à la tombée de la nuit. Oui, et donc vous disiez c'est pas forcément évident de sortir quand on est dans cette situation-là. Tout à fait. J'ai perdu un peu le fil. Guillaume Kishnama, comment on accompagne ces femmes sur le plan psychologique? Vous n'êtes pas psychologue, évidemment, oui, mais il y a aussi mes ça. Mes collègues, oui, bien sûr. Ça fait partie des soins de support. Hein, je veux dire, les psychologues, elle va les accompagner, hein, donc dans leur parcours. Tout ce qui touche après, c'est vrai, on parle du cancer du sein, sur la féminité, donc les solutions, la médiation, la détente, et surtout donner l'envie, comme disait Madame Sanassi. Donc des fois c'est vrai, on a un cancer du sein, on n'a plus envie de se maquiller, et moi je leur propose, ramenez votre touche de maquillage et je vais faire un côté, vous faites de l'autre. En fait, le socioéthicien n'est pas là pour, on va dire, relooker. Souvent on le dit aussi, hein, c'est là que je laisse ça pour, à l'extérieur. On est là pour accompagner, donner envie, booster, d'accord. Et surtout c'est de l'automaquillage. Vous savez, quand il n'y a plus de sourcils, il faut reconstruire ce sourcil avec un crayon. La dermo, c'est pas conseillé, les médecins ne conseillent pas pendant le traitement, d'accord. Ça c'est plus tard. Donc, mais il faut, donc voilà, je fais un côté, vous faites de l'autre. Donc on fait beaucoup d'automaquillage. D'accord. C'est l'impulsion que donne Guillaume Kishnama et vous lui emboîtez le pas un petit peu? Tout à fait. Au fait, je me suis fait accompagner. Il y a des ateliers de bien-être que Guillaume propose. Et donc, c'était difficile de faire le pas. Donc, j'ai demandé à une collègue et amie de m'emmener. Et je suis allée. Et le fait d'être accompagnée, ça m'a aidé, et donc de découvrir là-bas qu'il y avait des personnes qui s'occupaient de personnes comme moi et rencontrer d'autres personnes qui sont malades aussi. Ça m'a aidé à trouver, on a pu échanger dans un premier temps et ensuite bénéficier des soins bien-être. Et ça m'a donné l'impulsion après d'y aller. Donc je me suis renseignée après, téléphonée. J'ai dit, alors, il y en a d'autres, comment ça se passe? Voilà. Mais ça reste un pas difficile quand même à faire. Mais une fois fait, ça aide beaucoup. Oui. Voilà, ça participe. C'est vrai que moi, j'ai eu de la chirurgie aussi. Ils m'ont enlevé 7 cm. Donc, c'est vrai, un côté n'est pas comme l'autre. J'ai de la chance que ça a été bien fait, la chirurgie. Quand je regarde et que je me regarde dans le miroir, je suis satisfaite. Parce qu'il fallait me soigner. Et pour me soigner, il fallait l'enlever. Et qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Donc, dans ce but précis. Donc, voilà. Et j'ai accepté de me voir différemment. D'ailleurs, j'ai fait une photo avant, quand j'étais bien. Et j'ai pour pouvoir me rappeler, parce que je sais qu'une fois que ça allait être fait, je serai différente. Donc, je m'accepte dans ma différence. Il faut aussi s'accepter dans sa différence. C'est fort ce que nous dit Corinne Sanassi, docteur Frey. C'est-à-dire que même après la chirurgie, on n'est pas la même, quoi. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous pouvez pas le garantir, mais est-ce que c'est possible de revenir à une situation initiale d'abord? Et puis, comment accepter de ne pas pouvoir le faire? Alors, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est difficile de reconstruire à l'identique le sein qui a eu la tumorectomie ou la mastectomie. Maintenant, si on revient sur la technique du Dieppe, c'est vrai que c'est quand même une technique qui est intéressante parce qu'elle permet d'apporter une grande quantité de tissu qui est issu du ventre. Donc c'est un tissu qui est très proche du sein natif en termes de couleur, de consistance, d'aspect. Et c'est vrai que on va dire que c'est ce qui permet d'avoir un résultat le plus proche du sein natif. Donc on se rapproche de l'idée de retour à l'état antérieur, mais sans jamais y arriver, quoi, si vous voulez. Alors, il y a une contrainte forte, enfin, parmi toutes les contraintes, il y a la durée de l'opération. C'est une opération lourde. Tout à fait. Alors, il faut savoir déjà que c'est une opération qu'on réalise à deux chirurgiens. Donc, c'est avec mon collègue, docteur Valenti, qui travaille avec moi au CHU de Belle-Pierre. On est toute la journée, donc de 7h30 jusqu'à ce que ce soit terminé. Ça peut durer, effectivement, entre 4 et parfois 10 heures, des fois plus. Moyenne, on va dire, allez, 6-7 heures. Donc, toute la journée, on est deux chirurgiens à travailler ensemble sur la patiente et sur donc cette technique de Dieppe. C'est une technique qui est très lourde, hein, qui fait donc appel à différents temps opératoires et notamment un temps de microchirurgie. C'est assez technique, c'est assez dur à réaliser et donc effectivement c'est une technique qui est assez longue, assez fatigante pour le chirurgien et surtout pour la patiente, hein, effectivement. Le temps qu'on passe, on parle de la durée de l'opération, les soins socio-esthétiques, ce sont des séances de combien de temps à peu près, Guillaume Kishnama? En fait, le temps c'est personnalisé, c'est-à-dire une personne peut être accompagnée en 10 minutes et vous avez une autre personne une demi-heure. Oui. Donc c'est... En fonction de quoi ça varie? En fonction du comportement de la personne, l'adhésion du traitement et l'acceptation aussi de ses effets secondaires. On a une question par SMS au 06 92 70 2000. Lucie qui nous demande, dans un reportage télé, des exercices en piscine sont proposés aux femmes opérées. Est-ce que c'est pratiqué ici? Ici à La Réunion, oui. En fait, vous avez le Réseau Rose, ce qu'on appelle le Réseau Rose. C'est une association, donc Renaudicea, qui met en place justement des différentes activités, donc l'aquabien-être. Et on peut le comment on si peut le contacter, voilà. Donc sur le site internet ou Facebook, Renaudicea Réseau Rose, plus exactement Réseau avec un Z, hein. Réseau Rose, donc Odyssea Réunion. Odyssea qui aura lieu, on peut le dire au passage, les 5 et 6 novembre dans la forêt de l'Étang Salé, avec des courses, des marches, au profit évidemment de la lutte contre le cancer du sein. Et Réunion Première. Justement, les ateliers de bien-être que madame parlait tout à l'heure, dont ils ont fait soutien financier par Renaudicea, donc qui a permis donc l'association Notre Regard d'animer ces ateliers à travers les micro-régions de l'île de la Réunion pour sortir ces femmes hors contexte hospitalier en leur offrant des séances de bien-être, donc avec le Réseau Rose. J'ai une question aussi par rapport à la perte de poids, puisque je sais que vous me disiez, madame Sanassi, vous avez perdu du poids. Est-ce que les soins socio-esthétiques joue un rôle à ce niveau-là également? Est-ce que ça intervient? Pour la perte de poids, je veux dire, après vous avez d'autres professionnels, hein, qui nutritionnels, je pense plus à mes collègues diététiciennes, mais sinon par rapport au toucher, bien sûr, vous avez quelqu'un qui va son corps transformer, ce corps qui n'est plus touché, ce corps qui n'est plus regardé, et vous rencontrez une personne qui va venir vous faire un modelage, ce qu'on appelle les massages entre guillemets, hein, d'accord, ça c'est important, donc par le toucher, et ça redonne une valeur au corps, ce corps qui n'est plus regardé, donc vous avez un professionnel de santé qui vient vous accompagner tout en vous massant, en vous touchant. Donc voilà, c'est ça. Ça redonne une autre dimension. Qu'est-ce que vous diriez, Corinne Sanassi, aux personnes qui découvrent un cancer du sein et puis qui hésiteraient à bénéficier des soins tels que vous en bénéficiez avec Guillaume Kishnama? Qu'est-ce que vous leur diriez? De s'écouter, de se faire plaisir, de se faire confiance et de faire ce qui leur plaît. On peut encore se faire plaisir? Oui, je pense qu'il... que chacun le vit différemment. Donc, je pense que chacun le sent différemment dans son corps, le vécu. Et je pense que chaque personne trouve ses solutions. Et puis, chaque personne ressente le besoin ou pas d'y aller. Et comme disait M. Kishnama, c'est proposé, en sachant que c'est là. Et c'est bon à le savoir. Vous avez eu l'information par quel biais, vous Au CHU, on me l'a dit et je l'ai entendu. Donc, immédiatement, non, je crois que tout je l'ai entendu. Voilà. Non, je l'ai entendu dans le sens, je savais que c'était là. Et quand j'en ai eu besoin, j'ai fait appel. Qu'est-ce qui fait qu'on en a besoin, justement, à un moment donné? Ben, disons que, ben voilà, je fais la forte, je dis ça va aller et tout. Et puis, quand je sens que ça me dépasse, donc je me retourne vers les personnes qui peuvent m'aider. Une autre question sur le canal SMS, c'est Marie des Avirons. Comment choisir entre la reconstruction par le Dieppe et celle par le lambeau du Grand Dorsal? Alors ça, c'est autre chose. Vous allez nous dire ce que c'est. Y a-t-il besoin d'une prothèse interne par le Dieppe comme pour le Grand Dorsal? Voilà, c'est Marie des Avirons. D'accord. Donc, un peu technique comme question, mais c'est bien aussi. Donc, on peut utiliser effectivement comme autre technique de reconstruction mammaire le muscle du dos qu'on appelle donc le Grand Dorsal. On prend donc ce muscle et la peau en regard, et puis on l'amène donc au niveau du sein reconstruire. Là, c'est ce qu'on appelle un lambeau pédiculé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ces techniques de microchirurgie sous microscope. C'est un peu plus simple à réaliser. Ça peut faire appel des fois à la mise en place d'une prothèse, mais pas forcément. Ça a l'avantage d'être un petit peu moins lourd que le Dieppe. Ça a comme inconvénient, en quelque sorte, d'être un petit peu moins satisfaisant parce que bah, si on veut un volume, amener un volume important, il faut avoir recours à l'ajout d'une prothèse, d'un implant mammaire. Après, en termes de résultats, si vous voulez, c'est vrai que cette peau du dos avec ce muscle, c'est un petit peu moins proche que celle du sein natif. En termes de couleur, hein, la couleur du dos, c'est pas la même couleur que la face antérieure du ventre. Ça n'est pas la même consistance, c'est différent et ça fait des beaux résultats, hein, mais c'est un tout petit peu moins satisfaisant. Alors voilà, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Après, il faut voir les patients en consultation et les patientes en consultation et puis discuter avec elles, les examiner pour décider avec elles. Voilà, c'est une discussion qu'on a ensemble. Voilà, pour cette réponse à Marie des Avirons, qu'on remercie pour sa question et également Lucie tout à l'heure. Et puis il y a un auditeur qui a fait une remarque. Qui nous dit le tatouage du mamelon en 3D redonne une plastique extraordinaire pour les patientes. Qui peut nous parler de ça? En société, nous n'avons pas de tatouage. Nous avons le semi-permanent, donc je préfère laisser la place. Alors, moi je peux vous en parler partiellement parce que j'ai pratiqué le tatouage médical pour reconstruire ce qu'on appelle donc l'aréole et le mamelon. Surtout utilisé pour recolorer. Pas forcément pour recréer l'illusion d'un relief. Ça se fait à La Réunion. C'est dommage, mon collègue docteur Valenti n'est pas là, mais lui, il le pratique, il le fait régulièrement. Donc moi, je n'ai pas encore vu les résultats, mais en tout cas, c'est une technique qu'on propose aux patientes. Et j'ai eu des retours très, très, très positifs de sa part, disant que c'est vraiment bluffant. Et juste à l'aide d'un tatouage qui est donc très léger par rapport à une intervention de greffe pour reconstruire une aréole ou d'un petit lambeau, juste avec un tatouage médical qui ne nécessite pas d'anesthésie ou de réelle chirurgie, on arrive à redonner l'illusion d'une aréole et d'un mamelon. Je n'ai pas encore vu ces résultats, mais prochainement, je vais demander de voir ça et je pense que c'est très bien. Et donc j'ai compris que ce n'est pas le travail du socio-esthéticien. Ce sont des techniques par des professionnels médicaux. D'accord, merci en tout cas d'être venu parler des différentes solutions à la disposition des patientes. Guillaume Keshnama, vous voulez... Oui, moi je voulais juste conclure aussi, hein, donc la carte Visa donc du bien-être, c'est vraiment en cancérologie, la socio-esthétique, c'est un soin de support aux cliniques futures et au CHU. Ça permet de dédramatiser, démédicaliser et pour une meilleure adhésion des patients atteints de cancer ici. Voilà, il y a peut-être un numéro où on peut vous contacter. Moi, je donnerai le numéro de l'association. Le numéro de bien l'association, sûr, bien sûr. C'est 02 62 90 62 49. L'association a notre regard. 90 62 49, c'est un fixe, docteur Frey. Vous voulez rajouter? Moi, juste pour conclure, les ouvertures, si vous voulez, c'est au travers de cette technique du Dieppe, c'est l'idée à moyen terme de créer ce qu'on appelle là un institut du sein, donc travailler en collaboration avec différents professionnels de santé, des professions médicales ou paramédicales. Voilà, il faut qu'il y ait toutes les forces vives qui soient regroupées. Donc ça fait appel aux gynécologues, aux radiothérapeutes, aux sénologues, aux radiologues, aux chirurgiens plasticiens. Et je pense que dans cette démarche, l'idée serait vraiment de travailler ensemble, main dans la main également, avec des équipes de socio-esthéticiennes et de psychologues. Et donc là, on se rejoint parfaitement avec Guillaume Keshnama. C'est voilà, des projets futurs avec grand plaisir. Merci à tous les trois d'être venus en parler. Merci Madame Sanassi et bon courage dans votre combat contre ce cancer du sein. C'est dans l'actu. Reviens demain sur La Première. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance, le Trail de Bourbon et la Mascareigne. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Partagez la passion des coureurs avec Dynamalt, boisson énergétique officielle du Grand Raid. Suivez tous les exploits du Grand Raid avec les SUV Peugeot, partenaire officiel. Le saviez-vous? L'eau fait pousser la canne, dont les racines filtrent l'eau. Maintenant, vous savez pourquoi la filière canne-sucre est indispensable à notre environnement. Filière canne-sucre au cœur de la Réunion. Première. Dans la chronique éco, aujourd'hui, Tessa Gromann s'intéressera à l'arrivée de la 4G dans les Outre-mer. Ce sera juste après Métis sur Réunion Première en mode care. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, vai, vai, vai, vai. À la anti mélodie pour écoute à Lily va faire voyage à où tel un petit poème. Si c'est écrit pour où mon zèle, m'y connaît. Que moi la jamais été parfumé auprès de où les efforts moi l'a accumulé. Et ça, où connaît. Et ça, où connaît. Mais nous paie pas, on reste là, on reste là, on reste là, de tout mon l'amour, il songera pas, il songera pas. Mais nous paie pas, on reste là, on reste là, on reste là, de tout mon l'amour, il songera pas, il songera pas. Parce qu'il est en moi qui est si ou mon café. Parce qu'il est en moi que si ou mon café nous m'a donné 8000 ans. Va où me laisser à vous fort. De qui on me la mort. Les passés compliqués, compliqués. Malgré tout ça, l'a se passé dans mon cœur. On l'est gravé et ça a jamais. Et ça a jamais. Même si j'en dis où vais aller loin. Il s'agrine à moi qui ou ça va sans moi. Tenir en mon main, dis à moi, et dernier fois couillé ma main. Parce que m'il est en moi qui est si ou mon café, nous m'a donné 8000 ans. Par où m'il est c'est à vous fort. Et dernier fois qu'on m'a mon trésor. Parce que m'il est en moi qui est si ou mon café, nous m'a donné 8000 ans. Par où m'il est c'est à vous fort. Dès qu'il est mis à mort. On m'a dit que choses ont une fin. Il chagrine en moi qui ou ça va sans moi. Mi peut pas en force à ou mi peut pas retenir ou. Mais ça ce que jamais mi va oublier ou. On m'a dit que toutes belles choses ont une fin. Il chagrine en moi qui ou ça va sans moi. Mi peut pas en force à ou mi peut pas retenir ou. Mais ça ce que jamais mi va oublier ou. Parce qu'il est en moi qui est si ou. Mon café nous m'a donné 8000 ans. Par où mi laisser à ou fort. Et dernier fois qu'on m'a mon trésor. En mode care sur Réunion Première, c'était Métis. L'internet mobile de quatrième génération qui permet de surfer sur son portable arrive en Outre-mer. Et avec la 4G débarquent aussi deux nouveaux opérateurs qui vont stimuler la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile. La chronique éco vous est présentée aujourd'hui par Tessa Gromann. La chronique éco, Tessa Gromann. Avec l'arrivée prochaine de la 4G aux Antilles, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, c'est une nouvelle page de l'histoire de l'Internet mobile qui s'ouvre dans ces régions. L'avis est exprimé par Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications. La 3G, c'est un accès à l'Internet haut débit qui est fonctionnel et qui donne accès à un certain nombre de services. Mais il est clair qu'en passant de la 3G à la 4G, on fait vraiment un saut technologique vraiment massif. Et donc, ce que nous espérons, c'est que grâce à la 4G, les opérateurs vont vraiment pouvoir fournir dans les territoires d'outre-mer des débits très importants, des offres vraiment avec des quantités de données qui seront vraiment très importantes et qui permettront une explosion vraiment de l'Internet mobile, qu'on sorte un peu de l'enfance de l'Internet mobile pour avoir une situation qui est celle qu'on connaît aujourd'hui en métropole, dans laquelle il y a vraiment eu une multiplication par 10 de la quantité de données échangées sur les réseaux mobiles. Il faudra attendre jusqu'au 1er décembre pour que les opérateurs désignés par l'ARCEP proposent la 4G aux particuliers et aux entreprises d'outre-mer. Ils sont 4 par région. Il y a les historiques comme Orange Caraïbes et Outre-mer Télécom aux Antilles et en Guyane ou SRR à La Réunion et Mayotte. Mais il y a également 2 nouveaux venus, Free Mobile aux Antilles et en Guyane et Zeop Mobile dans l'océan Indien. Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP. Ce que nous espérons, c'est que l'arrivée de ces nouveaux opérateurs a dynamisé le marché, dynamisé la concurrence, permettre à la fois des prix qui soient plus attractifs et puis des quantités de données qui soient généreuses. Parce qu'une chose, c'est d'avoir accès à la 4G, mais si c'est pour être très limité, il y aura des offres non seulement peu onéreuses, mais avec plusieurs gigaoctets de données qui seront accessibles par mois dans ces offres 4G. L'ARCEP a établi un classement des opérateurs de 4G dans chaque département. Les mieux placés obtiennent des quantités de fréquences hertziennes plus importantes. En clair, une meilleure part de marché sur la 4G. Aux Antilles, en Guyane et à La Réunion, c'est Orange qui est le mieux placé. À Mayotte, c'est Telco. Retrouvez la chronique écho en podcast sur lapremière.fr. La chronique écho, c'est tous les matins vers 6h25 et le midi à 1h05. L'actualité en France et à l'étranger, c'est avec France Info, juste après Princesse Erika. Spécial dédicace à toi qui m'écoutes, Princesse Erika t'emmène sur la route. Mon ami, laisse-moi t'emmener au royaume de mon son préféré, sur la route du reggae, sur la route du reggae. Il est 13h, voici le journal de France Info. L'info à 11h, c'est avec Virginie Lebrun. Bonjour Virginie. Bonjour, à la une de ce journal, la bataille pour reprendre Mossoul aux djihadistes est lancée. Elle pourrait durer plusieurs semaines et sera sans doute décisive. On en reparle avec Élise Delève dans une minute. Et si la route de l'Elysée passait à nouveau par Florange, Arnaud Montebourg y était jeudi dernier, François Hollande y est attendu aujourd'hui. Le président pourrait y recevoir un accueil des plus frais. Dans ce journal, nous irons aussi en Allemagne où les salles de shoot font désormais partie du paysage. En France, la première ouvre aujourd'hui à Paris. Une majorité de Français y est opposée. France Info. Annoncée depuis des semaines, la bataille de Mossoul est donc engagée. Cette nuit, le premier ministre irakien a annoncé le début de l'offensive pour reprendre la deuxième ville d'Irak à l'organisation État islamique. Une ville contrôlée par Daesh depuis juin 2014. Une bataille dont l'issue sera décisive dans la guerre contre les djihadistes, a dit Washington. Alors pourquoi cette reprise de Mossoul est-elle si importante pour la communauté internationale? C'est ce que vous allez nous dire, Élise Delève. Oui, Mossoul, c'est une bataille symbolique, stratégique et politique. Symbolique car c'est là qu'Abou Bakr el-Baghdadi s'est autoproclamé calife en 2014. Stratégique car Mossoul est la plus grande ville que Daesh ait jamais contrôlée. C'est là que les djihadistes se replient en cas de défaite. C'est leur dernier bastion. Politique car c'est la deuxième ville d'Irak, 1,5 million d'habitants. Une ville où toutes les minorités du Moyen-Orient sont présentes. Une région où l'on trouve beaucoup de pétrole. La bataille de Mossoul va être très longue, des semaines, voire plus, a dit la coalition internationale ce matin. L'État islamique contrôle